Je vais pouvoir rouler à 130 km/h, réponse A. Éteindre mes feux, réponse B. Faire demi-tour, réponse C. M'arrêter à droite, réponse D.